en cours de lecture, je serai amené à donner l'équivalent français de certains mots étrangers. Un archéologue français, venu en 1830 en Andalousie, à Montilla, l'ancienne Munda, où Jules César vainquit son rival Pompée, rencontre Don José Navarro, poursuivi par les autorités, et lui permet de leur échapper. Une semaine plus tard, il rencontre Carmen, une belle jeune fille bohémienne qui lui vole sa montre. Plusieurs mois plus tard, l'archéologue retrouve à Cordoue Don José condamné à mort. Le lendemain, Don José raconte son passé à l'archéologue.